Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, on rediffuse, après la mort de Castro, raconter l'histoire de Cuba, un documentaire d'Alexandre Hérault réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la mort de Fidel Castro, qu'on avait fini par croire éternel après avoir vu passer 11 présidents américains. Et après ça, l'envie de sonder les mémoires cubaines pour faire l'inventaire des espoirs et des désillusions entre fierté des acquis et haine de la répression. Et puis il y a aussi la féroce nostalgie de ceux qui sont partis, et cet horizon, de l'autre côté de la mer, à Miami, qui attire ou révulse ceux qui sont restés. En tous les cas, on en revient toujours à Castro, qui obsède complètement ceux qui sont partis, et qui ne parle que de revenir enfin pour retrouver ce qui n'est plus depuis longtemps. Alors pour commencer, les personnages. La fille illégitime de Fidel Castro, opposante, exilée à Miami, un collectionneur qui se souvient, un acteur qui rêve son retour, un journaliste qui ne pouvait plus travailler, un exilé qui prépare son retour au bercail depuis toujours. Ensuite, le décor. Miami et son quartier de la Little Havana, un restaurant qui est comme un quartier général, de la nostalgie à grande gorgée, des souvenirs avec lesquels on se berce, des espoirs de retour et quelques malédictions. Aujourd'hui, 3e épisode, on est à Miami et c'est le moment de la Cuba-nostalgie. Quand le bateau était en train de s'éloigner du Malecón, il y a eu 3 coups de sirène, comme pour dire au revoir. J'ai regardé vers le Malecón, où se trouvait la foule de toutes les familles de ceux qui partaient, agitant des mouchoirs blancs en nous disant adieu. Jamais j'oublierai ça. Je me souviens du moment où j'ai dit au revoir à ma grand-mère. Elle me disait, mais ne t'en fais pas ma chérie, tu vas revenir, dans 5 ou 6 mois tu seras de retour à Cuba. En vérité, ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas l'arrivée ici, mais le départ de Cuba. C'est ce que je garde le plus présent, alors que j'étais si jeune. Ces mouchoirs disant au revoir et les gens criant des mots à leur famille. Ça a été dur, très dur. Cuba, par ceux qui s'en sont allés, Los que se han ido. Alexandre Hérault, Jean-Philippe Navarre. Si on y réfléchit bien, Dulce, c'est une maison finalement assez vieille à l'échelle américaine. À l'américaine, 1930, c'est ça? Pour l'Amérique, c'est très vieux. On n'est quand même pas en plein Little Havana, quoique Little Havana commence ici, non? Little Havana commence vraiment à la calle 8, mais ça fait partie quand même du quartier, parce que tout ça, c'est Miami, la ville de Miami, c'est qu'on dit Miami. Quand, alors, Dulce, vous avez pour la première fois mis les pieds dans cette maison? C'était pas en 1930, mais c'était tout de même il y a quelques années. C'était tout de même il y a quelques années. C'était quand même, moi j'ai déménagé, je me suis installée en 89. C'est la maison où mon fils a grandi, il est allé à l'école dans ce quartier-là. Ouais. Lui, il aura grandi ici. Il fait partie de ces Cuban Americans. Il est né aux États-Unis, à Miami. Ouais. Bon, on prend la voiture pour se bouger un peu. Surtout qu'il commence à faire un peu chaud au soleil, chaud, hein, toujours. Je t'explique. Bon, les Cubains de Miami étaient avant des Cubains de Cuba. Et donc, le climat, c'est très pareil ici à Miami. Et puis, bien sûr, qu'ils ont amené leurs habitudes, leur culture. Et en même temps, ils se sont intégrés. C'est ce qui est bien ici, dans ce pays, aux États-Unis, c'est ce qui est grand. Les gens s'intègrent et s'adaptent en gardant leur propre culture. Les Cubains ont commencé, et puis vous avez vu, tous les autres qui ont suivi après. On a tellement de gens des pays de l'Amérique latine. C'est incroyable, partout. Et même cet exil qui dure et qui perdure au sein de la société, de la communauté cubaine, fait que c'est très stratifié. Tout à fait. Entre la vague de l'exil historique dont à laquelle vous appartenez un peu, Dulce Goldenberg, vous êtes arrivé ici très tôt. Hein. Très tôt quand même, parce que même si je ne suis pas venue directement à Miami, je suis arrivée quand même assez tôt, en décembre 66. Hein. Et puis ceux qui sont arrivés plus tard sur des petits radeaux et qui continuent d'ailleurs à arriver de temps en temps. Et c'est intéressant parce que là, à l'école, j'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient, bon, Marielle d'abord. Ça, c'est l'exil en 1980. Oui, et puis après, les gens qui viennent toujours à un radeau. Balcéros. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, comment tout ça a commencé, comment tout ça n'est pas encore terminé. Et continue, parce que ça ne termine pas. Est-ce que ça va terminer? Non. On passe par où, nous? À gauche ou à droite? À droite. Ah, c'est peut-être le futur de Cuba, à droite, ça. À droite. À droite tout à l'heure. Non, tout droit jusqu'à la 27e. S'il existe à Miami, dans le quartier de la petite Havane, qui n'a de Havane que le nom, une carte postale pouvant à elle seule symboliser les attentes de toute la communauté du million de Cubains de la Floride du Sud, cristallisée par tant et tant d'années d'exil, c'est le parc des Dominos. En fait, le parc Maximo Gomez, du nom de l'un des généraux des guerres d'indépendance cubaines, dont la mémoire, à l'instar de celle du père de la patrie, Carlos Manuel de Céspedes, ou du poète et idéologue José Martí, est entretenu avec la même dévotion sur les deux rives du détroit de Floride. Ici, sur la célèbre Calle Ocho, non loin du mémorial des vétérans de la baie des Cochons, les anciens jouent au domino. Chaque jour que Dieu fait, et qui allonge d'autant la fuite d'un temps qui semble ici comme suspendu. Angel Cuadra, le poète, est président du Pen Club des écrivains cubains en exil, l'un des plus célèbres anciens prisonniers politiques cubains, avait tenu à nous y donner rendez-vous, à la Cinco de la Tarde. Apparemment, en El Cuadro, on arrive au moment où, où le lieu ferme, à la Cinco. C'est à cabo todo aquí. Tout se termine à 5 heures. À 5 heures, parce qu'il est dimanche. C'est l'endroit de réunion de vieux exiliés. Et toutes les personnes de Cuba qui vont ici jouer domino, à vous rappeler de l'histoire de chacun, et parler avec la situation de Cuba, toutes les choses qui sont la vie quotidienne de ces exilés. Podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Aquí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Yo salí de Cuba en el año 1960. Je suis parti de Cuba avec ma famille en 1960, con mi familia. À l'âge de 13 ans. Mi familia apoyó el proceso revolucionario, mi padre. Ma famille a soutenu le processus révolutionnaire et peu après l'accession au pouvoir du gouvernement révolutionnaire, mon père a vu que ses relations avaient dû émigrer ou avaient été mises en prison. Et j'ai passé depuis plus de 40 ans en exil. Je ne suis jamais retourné à Cuba depuis. J'ai sollicité à 6 reprises un permis pour entrer dans le pays et le gouvernement cubain ne m'a jamais accordé le visa dont nous autres les Cubains avons besoin pour rentrer dans notre propre pays. Je suis toujours citoyen cubain, sans jamais avoir pris aucune autre nationalité, mais le gouvernement cubain n'a toujours pas reconnu le droit aux Cubains d'entrer librement dans leur pays. Parler donc de Cuba en écoutant ceux qui s'en sont allés, lorsque c'est han ido, n'est pas une chose facile, hein, Ramón Cernuda. De Cuba se ha ido mucha gente. Mucha gente muy valiosa. Plein de gens de valeur sont partis de Cuba. Los recursos humanos de la nación cubana han sufrido. Les ressources humaines de la nation cubaine ont souffert en raison de l'émigration provoquée par la situation politique, sociale et économique. Y hoy día sabemos que Nous savons aujourd'hui que la population est synonyme de richesse pour une nation. Nous savons qu'émigration est synonyme de pauvreté pour une nation qui perd ainsi de la ressource humaine et devient richesse pour celle qui les accueille, si les étrangers sont correctement intégrés à la vie sociale du pays. Nous devons inverser ce courant d'émigration. Nous devons, en tant que nation, récupérer la richesse de nos valeurs humaines qui sont dispersées à travers le monde. C'est une tâche à accomplir pour la nation cubaine. C'est sans doute une des principales erreurs de la révolution cubaine. Avoir mis en marche un processus tellement radical, tellement accéléré, qu'il a provoqué la fuite du pays de bon nombre de ses meilleurs hommes et femmes. Et maintenant que nous apercevons la possibilité de nouvelles étapes au sein de ce processus révolutionnaire, nous espérons que les leaders de la nation seront capables d'entreprendre des politiques rassemblant la famille cubaine pour ouvrir les bras à ceux qui sont partis s'ils veulent travailler pour le bien de la nation. En pocas palabras, on est ici, on arrive, on a rendez-vous avec vous pour se poser devant ce microphone qui circule dans la petite Havane. Et tout à coup, on se retrouve au fond d'une allée, d'un centre commercial. On ouvre les portes d'une boutique de tailleur et chez un de votre ami qui nous offre l'hospitalité dans son bureau. Et puis, vous nous dites, regardez comment un Cubain réussit sa vie. Il représente en quelque sorte ceux qui ont construit cette ville. C'est très vrai. Pedro représente cela. Voici un homme jeune, entreprenant, courageux, sans peur devant la vie. Il est parti de Cuba, son pays sans rien, et ici, à force de travail, d'acharnement, bien entendu dans une société libre où les opportunités ne sont pas séquestrées par le gouvernement, il a pu réussir. Il tient honnêtement un modeste magasin, ce qui nous rend très fiers, nous, les Cubains. On vient acheter nos vêtements ici, on est beaucoup de Cubains. On est vraiment fiers qu'un de nos compatriotes ait réussi cela, de la même manière que d'autres compatriotes ont connu des réussites similaires, certains mieux que d'autres, parce que la vie n'est jamais la même pour tous. Mais on a tous réussi à travailler et à nous dépasser. Pedro Núñez, comment tout ça a-t-il commencé? J'ai commencé tout ça en vendant dans la rue. J'avais les affaires dans le coffre de ma voiture et je faisais des tournées des cabinets de médecins, des concessionnaires, des vendeurs d'engrais. Je faisais du porte-à-porte, puis j'ai monté ma boutique. Vous représentez finalement le rêve américain? Oui. Oui, c'est ça. Ici, c'est le pays où tu as la liberté et du moment où tu bosses, on ne te met pas de barrière. Alors, cela peut être bien ou moins bien, mais si tu travailles, tu as le droit de pouvoir faire ce que tu veux. Grâce à un crédit de 1000 dollars que j'ai obtenu, j'ai commencé à vendre des vêtements dans la rue. Combien de temps il va vous falloir pour reconstruire la Havane? Ça dépend où on se trouve. Si on est au Versailles en train de siroter un café, 45 minutes suffiront. Qu'est-ce que c'est que le Versailles? Le restaurant Versailles est le lieu où se réunissent la plupart des Cubains exilés à Miami pour discuter politique, pour refaire le monde, et pas seulement Cuba, le monde entier. Hein. En 45 minutes, on peut le faire. Moi, j'ai pas 7h15, j'ai 7h07. On va aller à la clinique, là, deux minutes. Et Versailles, pourquoi? Versailles, bon, c'est souvent que c'est la France qui est un pays qui est admiré vraiment pour les Espagnols et pour les Cubains. Ils vont me dire, non, mais c'est vrai, les gens pensent que c'est ça la France et que c'est ça, c'est Paris, c'est les vrais Parisiens qui sont, mais c'est pas exactement. Oui, mais Armando, tout le monde n'a pas eu la chance, comme vous, de voyager en France, d'y rester, d'étudier. Les Français sont eux qui ont payé mes études en psychoclinique à la Sorbonne. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous alliez voyager là-bas, en France, et faire ces études en France, surtout? Non, mais comme j'étais un prisonnier politique quand j'avais 18 ans, et j'ai passé les 3 ans en prison, parce que je ne voulais pas signer les plans de réhabilitation qui existent à Cuba. J'étais très, très brave à l'époque, 18 ans, donc j'ai resté les 3 ans. Donc après, je suis sorti pour Venezuela. C'est le pays qui m'a donné un peu la possibilité. Et alors, la France m'a donné l'asile politique. Parce que vraiment, j'étais quelqu'un persécuté à Cuba. On était en quelle année ? 88, 89, à l'époque. Donc, j'étais des premiers groupes politiques qui sont partis quand Fidel a laissé partir tous les prisonniers politiques. Je ne comprends pas comment les intellectuels français, à ce moment-là, sont capables de dire ou de mettre en question la position et la fonction de la révolution cubaine qui est pénible, qui n'est pas justifiée par aucun intellectuel dans l'Europe. Aucun. Ça, je ne respecte pas. Tu peux être de droite ou de gauche, mais la révolution cubaine n'a pas de justification au point de vue humain. C'est peut-être ce qui explique que certains intellectuels français ont encore un peu de sympathie, Armando, pour la révolution, qui reste fondamentalement une révolution, comment dirais-je, orientée contre, au niveau de son existence, les États-Unis. Après tout, David contre Goliath, c'est une image qui peut séduire. C'est ça. Mais c'est rien à voir avec la réalité cubaine. Qui est une autre chose. Tu ne peux pas mélanger Cuba avec les États-Unis, tu vois. Parce que la souffrance du peuple cubain, je me souviens, j'avais 18 ans, et je sentais toutes les nuits tuer quelqu'un au paradis de fuscillage. Toutes les nuits. Le mur où tous les murs, les murs, les murs. Toutes les nuits, il y avait quelqu'un qui. Et les gens ne savent pas. Et aujourd'hui, même, on va savoir un jour ce qui a fait la révolution cubaine. Vous avez vu, Armando, que le volant de votre Mercedes-Benz s'est levé quand vous avez ouvert votre porte ? Oui, ça lève, ça va. C'est ici la technologie américaine. C'est ça qui est bon. Bon, ici, je suis dans la salle d'attente. Miami, est-ce que ça ne serait pas aussi ça, la métaphore qui vaudrait quelque chose ? Miami ne serait-elle pas qu'une salle d'attente ? Les gens seraient là depuis des années à attendre la fin d'un scénario dont ils ne connaissent pas réellement le dernier ingrédient. C'est vrai. Ouais. C'est ça. C'est... Miami, c'est la salle d'attente. Et tous les Cubains vivent. C'est pour ça que les nouvelles, il faut être un peu... Tu vois, parce que c'est une salle d'attente. Dans cette salle d'attente, les gens ne savent pas si la personne est morte, si la personne est vivante. Qu'est-ce qui se passe dans un hôpital, dans n'importe qui? On attend quelque chose. On est dans l'attente. Ici, on est dans l'attente. On s'ennuie dans une salle d'attente. On s'ennuie vraiment. Et le temps passe vite. Et les gens vivent dans la routine. C'est ça qui n'est pas bien ici. Les mécanismes de la communication, c'est assez perdu au niveau de la famille. Ça, c'est vrai. Et d'autre part, parce que les systèmes exigent des mécanismes d'adaptation que les gens n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup d'exigences financières. Et il n'y a pas de grande sécurité vraiment dans le travail parce que c'est le capitalisme, c'est la compétence, tu vois, des choses. Et les gens vivent aussi dans un état de stress. Les gens ne se visitent pas beaucoup. Les gens ne dépensent pas ni l'argent ni le temps pour faire plaisir à autres. Une chose qui n'est pas bien ici, par exemple. Parce que les gens pensent qu'à économiser pour avoir la voiture, les Mercedes, c'est ça qui n'est pas bien ici. Je pense que c'est le meilleur pays du monde, mais c'est le pire pays du monde. Moi, j'ai eu la réussite parce que je suis arrivé avec les diplômes de la Sorbonne, qui ça m'a aidé beaucoup. Les expériences à Paris, je suis arrivé sans rien, avec un centime à l'aéroport. Et je suis arrivé avec beaucoup de travail et de sacrifices à réussir financièrement, avoir la clinique, avoir la maison, les Mercedes, tout ça. Mais au point de vue antérieur, je ne sais pas si ça vaut la peine. Vous n'êtes pas heureux ? À Cuba, ce qui est intéressant, que même avec le communisme, la famille et les gens sont très ouverts. Vraiment, ça serait différent et ça serait beaucoup mieux qu'ici, là-bas, San Fidel Castro. 5 janvier 1966. Depuis que Fidel Castro, dans un discours prononcé... 5 colonnes à la une. ...a mis les États-Unis en demeure d'accueillir officiellement tous les Cubains contre-révolutionnaires désirant quitter leur pays une porte s'est entrouverte dans le blocus dressé par les Américains. Pour la première fois depuis 4 ans, des bateaux battant pavillons cubains et américains font la navette entre la Floride et ce port de Matanzas. Pour la première fois depuis 1962, les fonctionnaires américains de l'immigration, en l'occurrence, peuvent ainsi poser le pied sur territoire cubain. Mais avant de pouvoir partir, il y a d'abord pour les réfugiés l'épreuve de l'attente. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, davantage encore, dans ces maisons que le régime a construites pour les congés payés sur une plage chic. De leur ennui ou de leur angoisse, ceux que les castristes appellent des gusanos, des vers de terre, ne sont distraits que par les fausses nouvelles. Quelle question tu veux me poser? Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce jour-là, je parle de ce quartier que tu connais bien, de Little Havana, parce que tu travailles ici, dans le parking. C'est vous qui êtes chargé de toutes les voitures de ceux qui vont partir manger au restaurant, le Versailles. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici le 31 juillet de cette année? Vous vous souvenez? Le 31 juillet? Je ne me rappelle pas. Non. Ce qui se passe, c'est que je travaille là, mais je parle très peu avec les gens. Moi, la politique... Mais vous vous souvenez? Quand tout le monde est sorti dans la rue en criant « Le vieux est mort !» Le vieux? Il est mort? Non, c'était le 31 juillet. Ah, le 31 juillet. C'est les Cubains qui veulent que Fidel meure. Et vous n'avez aucune haine contre lui? Contre lui? Non, pas du tout. Je n'ai aucune haine contre rien à Cuba. Ici, il disait qu'il meure le vieux, qu'il meure le vieux, qu'il meure. Et moi, je disais, Dieu, donne-lui santé et vie, parce que tant qu'il vit, je ne dois désirer la mort de personne. Mais vous ne pouvez pas dire ceci devant le Versailles. Non, il me tue si je le dis là-bas. C'est à toi que je le dis. Pourquoi ils veulent la mort de quelqu'un? Dieu est le seul qui peut vouloir ôter la vie, personne d'autre. Et si Fidel meurt, dès demain, il n'y a plus personne ici à Miami. Ils repartent tous à Cuba, tu comprends? S'il meurt, ils repartent tous. C'est ce que tu vas faire? Non, moi je suis américain. Je suis ici 45 ans dans les United States. Je suis arrivé très jeune ici. Alors mon travail, c'est gardien de parking. J'ai rien à voir avec ces gens, moi je ne me mêle pas de politique. Ça veut dire que tu te sens plus américain aujourd'hui que cubain? Oh, c'est sûr, j'ai été élevé ici. Quand je suis parti de Cuba, il y avait de tout. C'était une Cuba libre. Mais maintenant, les gens arrivent et disent beaucoup de mal là-bas. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est mal là-bas parce que je n'y suis pas allé. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je ne sais pas s'il manque de la nourriture ou pas, comment est le régime. Je ne connais rien à tout ça. Mais on dit tant de choses ici, dans la rue. Tu parlais avec un homme il y a 5 minutes et il t'expliquait que la vie est dure ici, que personne ne connaît son voisin. Non. Le problème, c'est les parents. Les parents. Je leur disais que s'ils venaient ici, il valait mieux repartir. Parce que les personnes âgées n'arrivent pas à vivre ici, tu comprends? Elles meurent tout de suite. Tu comprends? Un monsieur qui vivait là derrière est mort récemment. Il est mort de nostalgie. Je lui ai apporté des fleurs. Aujourd'hui, un cierge allumé. Il est mort. Il va être incinéré. C'est ce genre de personnes sans famille, abandonnées. Mais c'est la vie de ce pays ici. No family. Et ils meurent sans famille. Ils meurent. Une crise cardiaque, de nostalgie, de chagrin. Si, de tristesse. De chagrin. te está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos pronto la calma te ha de alcanzar. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Hier, quand on est sorti du restaurant du Versailles, on n'a pas comploté, on a juste écouté. Le gardien du parking du Versailles, qui est là depuis des années, nous a dit que venait de mourir quelqu'un dans le barrio, venait de mourir un vieil homme qui était arrivé il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, arrivé de Cuba, il est mort de nostalgie. On peut mourir de nostalgie. Il y a des gens qui sont morts de nostalgie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de nostalgie dans tous les pays, mais ici aussi, beaucoup. Des gens qui, surtout les personnes âgées qui laissent des familles là-bas et qui ne s'arrivent pas à adapter à les systèmes de sans famille, sans une bonne communication, ils meurent. On ne peut pas effacer rien. Tout reste dans ta tête. Tu peux la surmonter, mais toujours elle est là. Je suis 91 ans d'âge. Et n'importe quel moment, ça peut sauter. Une seule chose me fait vivre. Et survivre, c'est l'espoir de voir et de faire quelque chose pour ma patrie. Et ne suis-je seulement le seul? Pedro de Céspedes, il y en a beaucoup d'autres. Nous avons expérience. Nous avons plusieurs d'entre nous ont la force économique financière et les connaissances d'affaires, les connaissances de la politique et une grande influence totalement disproportionnée aux États-Unis et autres pays. Mais je sais, et nous irons à aider. Probablement, ce sera l'acte final de notre vie. Quelle gloire! Et l'autre jour, quelqu'un m'a demandé de dire quelque chose pour la jeunesse cubaine. La jeunesse à Cuba. Parce que nous avons jeunesse cubaine ici. Et c'est notre orgueil. Que notre seconde et troisième génération sont si cubains, autant de cubains que nous. Ça n'avait pas jamais happen. Ça ne serait jamais arrivé. Arrivé aux États-Unis. Les pays de l'immigration, ça n'était jamais passé. Révérend Daniel Medina, GG. Ici, à Miami, beaucoup écouté, beaucoup rencontré ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle l'exil historique. Je m'adresse avec vous à la jeune génération, j'allais dire quelqu'un qui n'a presque connu qu'ici, les États-Unis, ce qu'on appelle les Cubains américains. Comment vous auriez envie de me parler de ce que représente votre génération ? Bueno, la génération mía représente la génération que nació. Ma génération représente ceux qui sont nés vers la fin des années 60. Y la gran dicotomía en ese momento. La grande dichotomie de cette époque était d'élever un enfant comme si on était à l'intérieur de Cuba. Et ceci pour des raisons pratiques. Car bien qu'en étant à Miami, on pouvait s'acheter les choses comme là-bas, aller au restaurant cubain, on pouvait jusqu'à un certain point vivre dans un monde qui était créé par le fantasme, par la nostalgie de ce que Cuba avait de mieux. de lo mejor que era Cuba, refusant ce qu'elle n'était pas. Et jusqu'à un certain point, on vivait dans une bulle. Il y a donc un choc culturel. Mais à l'intérieur de ce choc culturel, il y a aussi une reconnaissance que peut-être il existe d'autres chemins. Tant que nous ne sommes ni faux ni hypocrites, tant que nous ne refusons pas la réalité à Cuba. Je veux dire que ma génération en général serait peut-être prête à mettre en pratique la fin de l'embargo, par exemple. Je pense donc que le jeune cubain américain est comme un chat qui ne sort pas ses griffes tant que ce n'est pas nécessaire. Il est prêt à échanger, il reconnaît que nous vivons dans ce pays désormais, mais même s'il est très probable que l'on aille en voyage à Cuba, nous n'avons pas particulièrement l'ambition de récupérer les propriétés de nos grands-parents, de nos parents, ce qui n'est pas la manière habituelle de penser des Cubains qui regardent le temps s'écouler loin de leur pays, les 47 ans, 10 mois et 20 jours de l'exil. Le retour à Cuba à tout prix n'est pas notre objectif. On reconnaît que même si on finit par aller à Cuba, même si on participe humblement au développement, à la reconstruction de Cuba, le plus probable, c'est qu'on élève nos enfants ici, et nos petits-enfants. Le plus probable, c'est qu'on meure ici. Je crois que se pose toujours la question, quand des Cubains se rencontrent, ici à Miami, qu'ils ont tous réussi d'ailleurs, tous ont réussi à peu près leur vie, du retour à Cuba. Je suis arrivé de Cuba il y a 12 ans. Et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais quand tu disais à l'instant que les Cubains sont arrivés et ont tous réussi, moi, je mettrais une réserve à ça. Parce qu'il faudrait définir ce qu'est la réussite. Si c'est acheter une maison, avoir une bonne voiture ou un bon travail, je pense que presque tous nous avons réussi. Mais si c'est se sentir heureux, je pense que nous ne sommes pas nombreux. D'après mon expérience personnelle, au moins, je ne suis pas une de ces personnes qui considère être à 100% cubain et qui se désespère d'être cubain. Non, non. Moi, je veux être heureux. Ça m'est un peu égal l'endroit où je peux l'être. Si j'arrive quelque part dans le monde et que j'y trouve les bonnes conditions, j'y trouve un grand amour, j'y rencontre des amis, ce sera l'endroit où je pourrais rester et mourir. Et tant mieux si c'est Cuba. Mais si Cuba ne m'offre pas de garantie constitutionnelle après la mort de Castro, après la fin de tout ce malentendu, si Cuba ne me donne pas les garanties que je pourrais vivre avec des êtres civilisés, alors je ne peux pas vivre à Cuba. Je chercherai ailleurs, ou je ne sais pas. Je verrai bien en arrivant. Oui, dans mon cas, si on parle de la patrie, je veux dire toujours « alors sans fin ». Mais le jour de gloire est arrivé. Quelle sonnerie. Missy, estoy en medio de una entrevista, te llamo. Dans mon cas, je pense géographiquement. Géographiquement, et on perd. On utilise plus de temps sans train d'y aller d'un quartier de Miami à un autre quartier que le temps que tu peux dépenser pour arriver de Miami, de l'aéroport de Miami, à La Havane. Ça veut dire que il y a un mur maintenant qui s'appelle Fidel Castro, après Raúl Castro, mais je crois qu'entre Miami et Cuba dans un futur, même, et j'aimerais bien ça, il va y avoir un grand pont. Et les problèmes du déménagement, de où je vais habiter, tous ces problèmes-là, c'est une barrière maintenant, parce qu'il y a une dictature à Cuba. Mais quand les Cubains vont avoir le droit de voyager, de faire tout, de rentrer à l'île sans demander la permission, il n'y a pas de barrière. Quelques kilomètres et de la mer, quelques kilomètres de l'eau, que maintenant, ça a coûté plus de 75 000 de victimes qui sont mortes dans les étroits de la Floride, sont en train d'essayer d'avoir la liberté ici, ici à Miami, oui, ici dans ce monde de liberté. Octobre 1962, 5 colonnes à la une. À 200 km de l'île de Fidel Castro, une charmante station balnéaire américaine, Miami, est en train de devenir la capitale fiévreuse de l'anticastrisme militant. À Miami, la rue elle-même vit au rythme de la politique mondiale. Le nombre des enseignes en espagnol grossit chaque jour avec le flot des réfugiés cubains. Miami est devenu un peu le Berlin Ouest du continent américain, à ceci près que le mur ici c'est la mer, et chaque jour des patrouilleurs de l'US Navy recueillent à leur bord de ces pauvres familles cubaines que Castro a laissé s'embarquer en quelques heures sans bagages à bord d'une de ses barques de pêcheurs. Quant à ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent encore se payer le luxe d'un exode en avion. Ils ne pourront plus le faire longtemps dans ces conditions, car l'argent du voyage encaissé par les compagnies aériennes américaines doit rester désormais à Cuba. Mais pour l'instant, le pont aérien sur la mer fonctionne encore à plein, et Miami, capitale de l'exode, est devenue aussi, comme Berlin, l'une des capitales de l'émotion. Regardez. Qui est Elena Fernandez? Bon, ça, personne n'a raison de le savoir, bien sûr. Personne n'a le droit de savoir. Non, non, pas le droit, de raison. Non, valait la peine, ça, c'est pas la peine. Ah non, ça, c'est vous qui le décidez. Sans ça, vous ne seriez pas là, non? Je vous ai présenté déjà comme écrivain, comme journaliste ici. Je pourrais même rajouter que depuis 1993, depuis votre sortie de l'île, où vous avez été peut-être l'un des plus célèbres déserteurs, eh bien, oui... Bon, ça a été une fuite intéressante quand même, hein, parce que je suis partie déguisée en touriste espagnol, et puis on avait un journaliste de Paris Match. Il faut dire que c'était quelque chose qui pouvait bien se vendre. La fille illégitime de Fidel Castro déserte, et ça, sous les yeux des journalistes occidentaux. Oui, on a décidé qu'il nous fallait un journaliste, parce qu'après, ils allaient dire que ce n'était pas vrai, qu'on m'avait laissé quitter, etc., et ce n'est pas du tout la vérité, donc... C'est lui qui a donné une fermeté à l'histoire. C'est-à-dire que tout peut là-bas se manipuler jusqu'à... Ben, forcément, même, on pourrait même dire que c'est une des définitions du régime que vous avez quitté, celui de votre père, qu'il a installé depuis 1959, de mensonge en mensonge. Oui, bien sûr. Ils portent un très grand intérêt à leur propagande. C'est ça. Et puis, ça a très bien marché. Il y a l'anti-américanisme d'un côté et puis la légende de la révolution cubaine. Il faut maintenir ça comme un grand ballon, toujours. Il ne faut pas permettre que ça se dégonfle. Et c'était pour ça que j'ai dû attendre avoir presque 40 ans avant de pouvoir partir, parce que j'ai commencé à essayer quand j'avais 14 ou 15 ans. C'est vrai? Oui. Ça ne m'a jamais plu de vivre là-bas. Je crois que je ne me suis jamais adaptée. Mais une chose est en tout cas intéressante, pour qui connaît Cuba, c'est que les propres enfants, dans chaque famille, ont fini par être capables de pouvoir un jour dénoncer leurs propres parents. Oui, ma génération est la suivante de ceux qui ont fait la révolution, et sur nous, c'est tout tombé, enfin, tous les expériments sociaux, de faire l'homme nouveau et l'hombre nuevo, c'était leur slogan, non? On nous a tout fait comme sujet d'expériment. Alors, la meilleure partie de ma génération est partie de Cuba. Un laboratoire, partie du laboratoire, comme les rats quittent finalement la cage du navire. Bien sûr. Et pas derrière la flûte de Hamelin des Américains. On est ici parce que c'est le pays qui nous accueille légalement. Mais ce n'est pas une élection. Enfin, c'est géographiquement, c'est le plus près aussi. Mais il faut que les gens pensent que l'exil de Miami n'est pas nécessairement pro-américain radical. On est là pour une question d'opportunité. Obligé. Et c'est ce que vous répétez. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens ne reçoivent pas de visa pour entrer, parce qu'on sait que les Cubains sont des réfugiés. Il vous faut des visas de permission pour entrer à n'importe quel pays du monde. Vous n'êtes pas accueillis. Et si vous y restez, vous avez une situation d'illégalité terrible. Alors les gens quittent pour pouvoir attirer leur famille. Donc ici, C'est le refuge. Oui, c'est le refuge. Pour la plupart des Cubains, c'est une espèce de salle d'attente avant leur retour. Et on a l'impression d'une société qui peut, même si elle n'est pas monolithique, est cristallisée sur deux, trois thématiques très prégnantes, que la haine est toujours très forte. Cette haine, elle s'exerce à l'égard de celui qui représente le mal absolu, c'est-à-dire votre père, et qu'on n'arrive pas à dépasser cette problématique-là. Et justement, ils sont un peu perdus en ce moment, beaucoup d'entre vous. Je pense que c'est les gens qui se font entendre, qui parlent et pensent comme ça. Ceux qui crient plus fort que les autres. Oui, bien sûr. Mais ici, vous allez trouver de tout. De tout. Je pense, hein. Mais ça arrive à n'importe quelle personne qui n'habite qu'à un seul point de la Terre. C'est intéressant, en tout cas, d'écrire l'histoire de Cuba depuis Miami, depuis ici, là où vous êtes, Alina Fernandez, avec justement ces parcours de vie, ces fragments de vie de chacun, où on se rend compte que chaque destin, et c'est peut-être ça la douleur cubaine, chaque destin a été brisé à un moment donné par la destinée d'un homme, votre père. Oui, oui, oui. C'est absolument comme ça, parce qu'une des grandes tragédies de la famille cubaine, c'est qu'elle a été brisée dès le début par des différentes raisons. Par exemple, nous avons eu l'exode le plus grand d'enfants, plus grand que le Kinder Transport. Il y a eu plus de 14 000 enfants cubains que leurs parents ont envoyés aux États-Unis. Au début de la révolution. Oui, parce qu'ils ont eu peur. Avant de pouvoir partir, il y a aussi l'épreuve de la foule. Si Fidel Castro ne cherche pas à retenir ses adversaires, ceux-ci savent qu'ils doivent payer leur départ de tous leurs biens. Maison, appartement, mobilier, voiture, compte en banque, ils laissent tout derrière eux et tout revient de droit au gouvernement. Ils n'ont pas la possibilité d'emporter le moindre centime. 20 kilos par personne d'habits usagés, voilà ce que contiennent ces valises. Et votre famille maintenant quitte Cuba, pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas le système politique? Oui, pas le système politique. Mais en quoi est-ce que le système politique vous gêne? Avec les communistes, c'est bien. Et vous n'êtes pas heureux avec les communistes? Non. Je quitte Cuba parce que je ne suis pas communiste et que je désire voir si je ne pourrais pas mieux vivre dans un autre pays, n'importe où. Dans le bus qui relie le local des formalités au port, une famille entière. Sœur, grand-père, grand-mère, enfant, épouse. Le mari est resté car médecin, il doit respecter un délai d'attente d'une année au minimum. Ils ont eu peur d'un régime qui a commencé à marcher très fort depuis le début. On a eu le triomphe de la révolution et quelques mois après des exécutions. Donc les gens ont été très apeurés. Ils ont envoyé leurs enfants ici en maison d'accueil. Ça s'est appelé opération Peter Pan. Quel drôle de nom. Et il y a des choses que les gens ne savent pas du tout. Alors bon, ça, 14 000 enfants, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est disons, peut-être 13 000 familles bouleversées dans un pays qui était à l'époque 9 millions d'habitants. Peter Pan, parce que c'était cet enfant qui ne voulait pas grandir. Alors on ne voulait pas que les enfants grandissent. On voulait les éloigner de ça. C'est ça. Alors une partie des parents ont été capables de rejoindre leurs enfants, mais une autre partie pas. Alors on a envoyé la mère et le père a été retenu. Et puis ça, c'est un principe. La classe moyenne a tout essayé de quitter, mais on permettait à monsieur de quitter, la femme restait. Donc la famille a été divisée dès le début, et puis idéologiquement, ce qui est encore pire. Et voilà la division. Si vous ne pensez pas comme votre père ou votre oncle, il pouvait appeler la police. Donc, et ça continue à être ainsi. Il n'y a pas de sang, il y a de l'idéologie qui unit les gens. Le sang ne compte pas. On est des ennemis idéologiques, même si on appartient à la même lignée chromosomique, non? Mi padre était toutes les noches avant de dormir. Tous les soirs, avant d'aller nous coucher, mon père, j'étais la préférée. Ma mère préférait mon frère, mais moi, j'étais la préférée de mon père. Mon père, c'était ma vie. Tous les soirs, il m'asseyait au piano à ses côtés. Il me jouait une sonate de Beethoven et Rêve de mort de Litz. À la fin des morceaux de Litz, j'étais KO, alors il me portait dans ses bras pour m'amener au lit. Y entonces este pero lo primero que me enseñó a tocar a mí fue el himno nacional. La primera cosa que me ha aprendido a jugar es el himno nacional cubano. A la cabaña. Avant de quitter Cuba, il nous a emmené à la cabaña. Je me disais, pourquoi papa nous amène à tous ces endroits? Il nous a emmené en morro. Il nous racontait l'histoire de Cuba. Je ne comprenais pas, mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'il était en train de nous apprendre Cuba. Que Cuba, qu'on allait quitter, ne nous quitte pas. Peut-être aussi savait-il que vous n'alliez pas revenir, que jamais vous n'alliez revenir. Ils sont 350 000 à avoir déjà quitté Cuba. Ils sont 100 000 qui veulent profiter de l'accord conclu cet automne. Il faudra 2 ans pour que tarisse cette hémorragie humaine. Ils partent convaincus que le paradis à 150 km de là les attend. De ce reportage diffusé par 5 colonnes à la une le 1er janvier 66, en 7 de la Révolution, au début de l'exode dit de Camarioca à ce discours, prononcé par le commandant en chef en mars 1980 pendant la crise de l'ambassade du Pérou, ayant provoqué le départ de plus de 130 000 Cubains, bientôt baptisés les Marielitos, du nom de ce petit port de pêche au sud de la Havane, Mariel, 14 ans se sont écoulés. En ce mois de mars 80, Fidel harangue la foule massée place de la Révolution pour conspuer tous les nombreux candidats à l'exil. Que tous ceux qui n'ont pas de gêne, de sang ou de cœur révolutionnaire s'en aillent. Cuba n'a pas besoin d'eux, mieux encore ne les veut pas. Qu'ils s'en aillent, au diable donc, c'est-à-dire en face, à Miami. Que se vayan, qu'ils s'en aillent, que se vayan, lui répond comme un écho la foule haineuse et méprisante. Que se vayan, diable. Vous vous rappelez, Patricia, le jour où vous avez pris votre décision, cette décision de partir du pays, c'était en 1980, et allait commencer l'un des plus grands départs massifs de Cubains de l'île avec le port de Mariel. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 12 ans. Je me souviens que c'était le petit matin et mon père a décidé qu'il était temps de partir en apprenant ce qu'il se passait à l'ambassade du Pérou. Qu'est-ce qui se passait à l'ambassade du Pérou? Il y a eu une vingtaine de Cubains qui ont tué le garde de l'ambassade du Pérou et ils se sont exilés. Fidel avait décidé que tous ceux qui voulaient partir pouvaient entrer dans l'ambassade parce que les diplomates avaient décidé de protéger les Cubains qui avaient forcé les portes. Alors 10 000 Cubains sont entrés dedans. À partir de là, les Cubains américains d'ici, de Miami, ont décidé d'ouvrir le port de Mariel et beaucoup de ceux qui avaient la famille là-bas envoyaient des bateaux pour le faire venir. Bien sûr, c'était un gros problème là-bas parce que ce que les autorités avaient fait, c'était en profiter pour nettoyer les prisons, les asiles, tout ça. Je me souviens par exemple que quand nous sommes partis, il y avait 5 files d'attente pour embarquer sur un bateau. Par exemple, si tu étais ici à Miami, tu envoyais un bateau pour faire venir ta famille, composé, disons, de 5 personnes. Mais alors il disait, tu en prends 5 d'ici, mais tu en prends 3 de la file de l'ambassade de Pérou, 3 de la file des prisons, 10 de la file des asiles de fous, et voilà, tu embarquais tout le monde. Alors on est arrivé ici. Vous vous rappelez de Patricia, de votre arrivée ici, à Miami? Oui, je me souviens. Ça a été très dur. Les enfants à cet âge sont très cruels et comme il y a eu tellement de monde arrivé d'un coup, des gens de toutes sortes. Les enfants se moquaient de nous à cause de la langue, de notre manière de nous habiller. Enfin, ça a été très dur de m'habituer jusqu'à ce que finalement je me suis acculturée, comme ils disent. Je suis une vraie petite américaine maintenant. Non, je suis une cubaine de cœur, mais je connais très bien ce pays qui m'a ouvert ses portes quand j'en ai eu besoin. Oya, oya mbero, oya mulele akamala roye. Oya, oya ununso ununso waje waje obinisa. O durubala, o durubala loye o. Eke eki manjoro eke ola. En vérité, je suis à Miami depuis 17 jours. Comment est-ce ? Seulement 17 jours ? Oui, je suis arrivé il y a 17 jours. Et comment tu es arrivé ? Sur un radeau, il y a seulement 17 jours. Mais alors parle-moi de ce départ du pays, parce que ça c'est une décision terrible, ça. Et je suis parti parce qu'un de mes filleuls avait des problèmes. Il a toute sa famille ici et lui, il était recherché pour tout. Dès qu'il se passait quelque chose, c'est lui qu'on recherchait, parce qu'il savait qu'il s'était jeté à la mer 5 fois. 5 fois, ils l'ont repris. Et il était comme mon fils. Un filleul, c'est un fils. Alors il est venu me voir et je l'ai aidé pour venir. Je lui ai promis qu'il toucherait terre. Ma femme m'a dit que souvent on lui avait dit ça. Et je lui ai répondu, écoute, quand un homme donne sa parole, surtout un babalao, il va jusqu'au bout. Je vais te montrer, je vais partir avec lui pour te prouver qu'on va toucher terre. En arrivant, la première chose que j'ai faite, c'est appeler le village et dire « Il est ici avec moi ». J'ai bravé la nature, on est parti en radeau, on a passé 29 heures en mer. Seulement, mais c'est un temps record, ça. Record. Et moi, je crois en la religion. Je le dois à mes saints, je les ai là avec moi. Je leur ai dit que je partais. Je savais depuis mon départ que j'allais arriver à la terre ferme. Je t'ai confirmé auprès d'eux. Je crois honnêtement en mes saints. Oui, parce que maintenant, on sait hein, que quand ils ramassent les radeaux qui n'arrivent pas jusqu'à la terre ferme, on les reprend et on les ramène à Cuba. Ça se sait, ça, à Cuba. Oui, on le sait. Ben oui, pour moi, ça n'a pas été le cas. Bienvenue à la terre de la liberté, se disait. Eh ben, bienvenue à la terre de la liberté, comme on dit. Merci. Les gardes-côtes, là ? Non, ce sont des pêcheurs. Ah ! Ils vont chercher les stone crab. Cuba, par ceux qui s'en sont allés. Los que se han ido. Fin. C'est une ville qui continue à les absorber, les Cubains. Ah oui, mais la ville absorbe tout le monde maintenant, pour les réfugiés. Vous croyez que Miami va un jour perdre une partie de sa population, ce jour-là, quand ils vont pouvoir revenir, ces Cubains? Et je crois que toujours il y a quelqu'un qui va remplacer. Il faut seulement regarder. C'est le paradis. Je pensais qu'il y avait le paradis au ciel. Peut-être. Traduction sur place à Miami, Dulce Godenberg et Sylvia Garcia Sierra. À Paris, Laura Ciesar, avec les voix de Nicolas Struve, Stéphane Lindon, Laurent Lederer, Didier Doué et Léa Garrigue. Remerciements à Louis Tornes à Paris et Tony Santiago à Miami. Bienvenue sur la terre de la liberté, comme on dit. Merci. Donne-moi des nouvelles de Cuba. Comment va Fidel? Mais je l'ai laissé en très bonne santé. On fêtera en décembre ses 80 ans. Je lui souhaite d'avoir de la joie sur cette terre. Normal. Ouais, je pense que tout le monde à Cuba l'aime profondément. Oui, beaucoup. Énormément. Faut que je bouge un peu parce que je sors du canal. On est en train de dériver nous-mêmes. Sur les docks, Documentation Christine Gage et Laure-Hélène Plancher. Mixage Pierre Monteil. Réalisation Jean-Philippe Navarre. Une émission proposée par Alexandre Hérault. LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez y retourner, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le Malécone ou nous réécouter à Trinidad, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Demain, dernière étape, Cuba, Silence Radio.